J'ai peur du vide. Pas du vide extérieur, alors, qui lui m'attire de manière assez bizarre des fois, mais du vide intérieur, de mon vide à moi, de cette sensation d'oubli de moi-même qui me prend parfois et qui m'entraîne dans une spirale un peu lourde. Enfin, et ça arrive souvent en novembre, la période où l'hiver commence à taper. Et c'est assez marrant parce que c'est un peu une espèce de remise en question existentielle annuelle, comme ça, une espèce de mécanisme animal. Et en fait, chez moi, bah, quand je sens du vide, j'ai un espèce de besoin compulsif de le remplir. Alors, je ne sais jamais si parler au passé ou au présent, mais je vais utiliser le passé parce que, en fait, c'est pour... Enfin, avant, c'était dans la continuité, enfin, c'était autre chose, quoi. J'ai toujours, enfin, j'ai eu un rapport assez boulimique à la nourriture. Et en fait, c'était un espèce de moyen que j'avais de combler un vide que je ressentais et de le masquer. Et c'était une espèce de solution très, très, très, très éphémère parce que ça me faisait sentir encore plus mal de ce que je me sentais avant. Et le vide n'avait pas bougé. Et du coup, on recommence. Et c'est ce genre de spirale un peu lourde. Et en fait, plus j'y réfléchis, plus j'ai l'impression qu'il y a un rapport entre mon rapport, enfin, des similitudes entre mon rapport à la bouffe et à l'amour, sans pour autant vouloir tirer des conclusions super fermées à ce sujet. C'est un peu flou. Et en fait, cette espèce de besoin compulsif de vouloir vivre des trucs, de vouloir aimer, tout ça, qui est lié au fait de ne pas vouloir rater les gens, les choses, nanana, bah, vu que c'est un besoin non assouvi, bah, il y a cette sensation de vide que du coup j'essaye de remplir de manière un peu frénétique. Ça veut pas dire que je me tourne vers tout ce qui bouge en mode peu importe qui c'est, ça remplit. C'est dans le. Parce que bon, le mot. Enfin. Je sais pas à quel point ma comparaison est pertinente, mais en fait, c'est un peu l'idée horrible que. La douleur vaut mieux que le vide, parce qu'avoir mal, c'est déjà ressentir quelque chose. Et c'était assez là dans mon rapport à la bouffe. Enfin, c'était vraiment un truc en mode, au moins c'est quelque chose, parce que là, j'ai l'impression d'être rien. Et dans le rapport aux gens, c'est pas une image aussi violente, aussi extrême, mais ça peut tout simplement se retrouver dans alimenter des états et des pensées et des situations qui ne nous font pas du bien. Par peur du vide, par peur de rien ressentir, de si tu dis non à ça, ben en fait, t'as plus rien à quoi t'accrocher. Et l'autre jour, je parlais avec quelqu'un de la solitude et de. Ouais. Et de comment la limite entre la solitude voulue et la solitude subie, elle était super dure à sentir. Et il a utilisé une expression que j'ai trouvée assez jolie. C'était le consentement de soi à soi. En fait, on vérifie peut-être pas assez si on est d'accord vraiment avec les situations, avec les illusions qu'on entretient, avec les mécanismes qu'on répète par peur du vide. Et que il y a un moment, il faut freiner la machine, en fait. Il faudrait qu'on se demande un peu plus la permission. Est-ce que vraiment? C'est ça, quoi.